Alors que nous venons officiellement de basculer dans l'été et que les vacances arrivent à grands pas, nous avons décidé, pour engager cette dernière semaine de la saison, de vous parler d'un animal qui fait usuellement la joie des estivants, des plongeurs ou des amoureux des littoraux exotiques, la tortue. Présente depuis plus de 200 millions d'années sur notre planète, elle reste encore une énigme phylogénétique. Sa carapace, qui résulte de la fusion et de l'élargissement des côtes, étant unique dans le règne animal. Les tortues ont donc côtoyé les dinosaures, survécu à la dernière grande extinction de masse et aux crises climatologiques, et sont pourtant aujourd'hui, pour la plupart, en danger critique d'extinction. Tortues, elles en ont sous la carapace. C'est le programme Robuste qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique en direct. Et pour tout savoir sur les tortues terrestres, les tortues aquatiques, mais surtout les tortues marines, nos deux invités du jour, à distance, comme il se doit, sont Françoise Claro. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse au Muséum National d'Histoire Naturelle au sein de l'unité Patrinat et coordinatrice du groupe Tortues Marines France, et Damien Chevalier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur CNRS à l'Institut pluridisciplinaire Hubert Curien. Vous nous appelez depuis la Guyane. Avant de vous retrouver tous les deux et donc de consacrer une heure entière à discuter des tortues, eh bien, on commence comme chaque jour par faire le tour de l'actualité scientifique, en l'occurrence de celle du week-end qui vient de s'achever, avec Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence avec une étude parue dans la revue Science. Des chercheurs ont modifié des cerveaux de singes à l'aide d'un gène humain pour les rendre plus gros. Une équipe germano-japonaise a introduit dans des embryons de Ouistiti un gène spécifique aux êtres humains, le gène ARHGAP11B. On sait que lors du développement du fœtus, ce gène booste la production de neurones corticaux. Chez ces embryons de singes transgéniques, cette équipe a donc observé une expansion du cortex, avec des néocortex plus grands et plus repliés. Le néocortex, c'est cette zone qui est plus développée chez les humains que chez les primates et qui est responsable des capacités cognitives complexes, telles que le langage ou le raisonnement. Alors, ce n'est pas un épisode de la planète des singes, selon... Ça y ressemble. Mais voilà, les normes éthiques, selon ces normes, les Ouistiti n'ont pas été amenés à terme, mais les chercheurs viennent de mettre la main sur une pièce importante du puzzle de l'évolution humaine. Evelyne Heyer est professeure d'anthropologie génétique au Musée National d'Histoire Naturelle à Paris. Ça répond à une des questions fondamentales. Qu'est-ce qui fait qu'on est ce qu'on est en tant qu'être humain? On sait qu'on a eu, au cours de l'évolution, notre cerveau a vraiment évolué avec un néocortex plus complexe, plus gros. Et là, avec l'expérience qui démontre, on commence à comprendre comment certains gènes auraient pu jouer un rôle dans cette évolution. Ces Ouistiti ainsi modifiés, ils ont pu regarder comment le néocortex de ces Ouistiti s'est développé. Et on voit dans le développement de ces néocortex des choses qui sont un peu, entre guillemets, particulières à ce qu'on trouve dans la lignée humaine, à savoir un néocortex plus grand et aussi plus replié. C'est spécifique à l'être humain. Et en fait, ce qui est aussi de très intéressant, c'est que ce gène, c'est ce qu'on appelle une duplication. C'est-à-dire qu'on trouve dans à peu près tout le règne animal le même gène, mais que chez l'homme, dans la lignée humaine, ce qui est spécifique, c'est que ce gène s'est copié. Et après, cette copiée, il a incorporé une nouvelle mutation. Et donc, on voit bien comment le hasard a joué pour faire apparaître des nouveaux gènes qui, entre guillemets, ont permis des nouvelles fonctions. Ils estiment qu'en fait, la duplication est apparue il y a environ 5 millions d'années. Donc, premier événement, je dirais, de hasard, il y a une duplication de ce gène. Et deuxième événement, sur cette duplication, il y a une mutation spécifique qui fait changer légèrement la protéine pour laquelle code ce gène. Et cette mutation spécifique et cette duplication, on la retrouve chez tous les êtres humains, mais on la retrouve aussi chez Néandertal et Denisova, nos cousins archaïques. Voilà, si vous voulez retrouver le lien vers l'étude publiée donc dans Science, eh bien on vous les poste comme tous les jours sur le fil Twitter de l'émission, et vous pouvez retrouver ça ensuite sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Le fil Twitter, vous le connaissez par cœur maintenant, c'est @laméthodefc. On passe au bref. Tous les jours, donc, un point sur l'actualité scientifique autour du coronavirus. Selon une étude parue dans Nature Medicine, on développe bien des anticorps après une infection, mais peut-être pas pour longtemps, Natacha. Et selon cette étude chinoise, les anticorps développés contre le SARS-CoV-2 ne dureraient que de 2 à 3 mois, et en particulier chez les malades qui n'ont développé aucun symptôme. Les chercheurs ont comparé les taux d'IgG et les taux d'anticorps neutralisants de 74 patients malades, dont une moitié d'insymptomatiques. Les résultats montrent que dans les 3 mois qui suivent l'infection, 40% des asymptomatiques sont devenus séronégatifs, c'est-à-dire que leur taux d'anticorps était indétectable dans le sang. Ça ne veut pas dire que l'immunité disparaît, n'oublions pas l'immunité aux lymphocytes T, mais ces travaux mettent en doute toutes les campagnes de tests qui cherchent à mesurer l'immunité collective. Ce week-end, dans la ville de Verkhoyansk, en Sibérie, la température est montée jusqu'à 38 degrés. Et c'est un record, il n'a jamais fait aussi chaud en Arctique. Cette ville dans le nord du cercle polaire est surtout connue pour ses records en température négative. En janvier dernier, il y faisait moins 60 degrés. Par ailleurs, le début de la saison de la fonte des glaces au Groenland a, encore une fois, commencé avec 2 semaines d'avance. On peut rappeler que les effets du réchauffement climatique sont amplifiés en Arctique. Depuis le milieu du 19e siècle, les températures moyennes dans la région ont augmenté de 2 degrés, soit 2 fois plus que la moyenne mondiale. Et enfin, selon une prépublication sur le site Archive, la Voie lactée est sur le point d'effacer une galaxie voisine. Une prépublication intitulée « Le dernier souffle de la galaxie naine du Sagittaire ». Cette galaxie satellite orbite autour de notre Voie lactée. Les chercheurs de l'université de Cambridge ont étudié sa structure 3D et sa cinématique, le mouvement de ses étoiles. Les simulations montrent que les forces gravitationnelles colossales de la Voie lactée déchirent en lambeaux cette galaxie. Sa densité centrale est trop faible pour résister aux forces de marée. Une galaxie en phase terminale, je cite, qui sera complètement déchirée au cours du prochain demi-milliard d'années. Merci Natacha, on vous retrouve demain pour le prochain Journal des Sciences. En Guyane, d'où nous appelle l'un de nos intervenants du jour, on recensait 50 000 pontes de tortues marines par saison dans les années 90. Cette année, il n'y en aura certainement pas plus de 150. C'est dire si les tortues sont aujourd'hui menacées de toutes parts par la pollution, les déchets, la surpêche, le changement climatique, l'érosion des plages, sans oublier le braconnage et le trafic humain. Nous avons voulu nous intéresser aujourd'hui à ces tortues, à l'énigme phylogénétique de leur apparition, à leur rôle écosystémique et bien sûr à toutes les opérations de préservation qui essayent d'enrayer la chute drastique de leur population. Nous en parlons donc avec Françoise Claro qui est avec nous depuis Paris et Damien Chevalier qui nous appelle donc depuis la Guyane. Et les tortues fascinent, et c'est peu de le dire, depuis bien longtemps, notamment la fameuse ponte des tortues, comme en témoigne notre archive du jour. Nous sommes en 1956 sur la radiodiffusion française. J'arrivais quelque temps après, avant l'aube ou à l'aube, à une île réputée pour la pêche des tortues. Vous savez que les tortues vont pondre sur des îles désertes. Elles savent au préalable inspecter le sable et se rendre compte si aucun pied humain ne l'a touché. De sorte que les pêcheurs, qui veulent les surprendre, sont obligés de faire un grand détour sur les bords de la plage, de marcher sur les cailloux pour ne pas laisser de traces. Les tortues sortent dans la nuit, au moment de la marée la plus haute, et elles vont à la limite de la plage, et là creusent un trou de 30 à 40 cm de profondeur, où elles pondent une quantité d'œufs, quelquefois 50 ou 60. Elles recouvrent ensuite de sable, et très méticuleusement, elles aplanissent, et repartent en arrière, avec leurs nageoires aplatissant leurs traces de façon à ce qu'on ne voit rien. Replongent dans l'eau, et laissent leurs œufs à la garde du dieu des tortues. C'est le soleil, plus tard, qui fera incuber, de sorte qu'au bout d'une trentaine de jours, le sable se meut et on voit sortir autant de petites tortues qu'il y avait d'eux, des petites bêtes de la grosseur d'une pièce de 100 sous, du temps où il y en avait, et tout ça s'en va joyeusement à la mer. Voilà, extrait des Chemins de l'aventure, diffusé donc en novembre 1956 sur la radiodiffusion française. Une réaction simplement à ce que vous venez d'entendre, Françoise Claro. Oui, alors on va dire que malheureusement les tortues ne choisissent pas que les îles désertes, ce qui leur pose d'ailleurs des problèmes, puisque lorsqu'elles vont sur les plages ou lorsqu'elles sortent du nid, elles peuvent être désorientées par la lumière. Et donc vous voyez, ce serait mieux si elles choisissaient effectivement des îles désertes, mais bon, il faut déjà les trouver. De plus en plus, l'homme a conquis différentes îles du monde, donc vous voyez. Ensuite, bah, par rapport à la durée d'incubation, je suis pas tout à fait d'accord, hein, puisque c'est plutôt 2 mois que 30 que jours. Un mois d'incubation. Mmh. Damien Chevalier. Oui, donc oui, je rejoins un peu Françoise aussi, hein, sur le fait que bah, ces tortues, en fait, ont du mal à, je dirais, à pondre dans l'inquiétude. C'est des zones de ponte qui sont, bon, il y a de plus en plus de tourisme, donc ça peut être aussi bénéfique aussi, peut-être pour les populations locales ou bah, les communes. Mais on a aussi un autre problème, c'est l'urbanisation. Donc on a de plus en plus de sites aussi qui sont, en fait, qui étaient des sites de ponte et qui sont plus accessibles pour ces tortues. Donc oui, on rêve d'avoir des îles désertes où les tortues pourraient y rester, y pondre tranquillement. C'est quand je parlais tout à l'heure les chiffres que je donnais hein, sur les pontes de tortues marines de 50 000 pontes dans les années 90 à 150-200, c'est vous qui me donniez ces chiffres Damien Chevalier, c'est une réduction drastique, c'est même un euphémisme. Tout à fait, c'est un déclin total hein, donc de cette population de tortues, notamment. Il faut savoir qu'il y a plusieurs équipes hein, qui ont fait ces suivis sur une quarantaine d'années, donc dont à la fin le CNRS. Hein, donc c'est pour ça que cette étude a été réalisée en commun avec plusieurs laboratoires. Et donc François d'ailleurs aussi a participé hein, bien avant moi. Effectivement, hein, dans les années 90, à peu près 50 000 pontes. Maintenant, moins de 200 pontes dans les années actuellement. Donc avec différents facteurs, hein, comme vous l'avez évoqué aussi, c'est aussi le braconnage qui est quand même représente 20% des nids et peut-être plus cette année encore. On a la consommation par les chiens errants. 40% des nids détruits par l'érosion et évidemment un des facteurs principaux, je dirais, qui est la pêche accidentelle, qu'il soit en pêche côtière ou en haute mer. Donc, c'est aussi un nombre de, c'est vraiment multifacteur, ce qui fait aussi, qui explique pourquoi ces tortues, on n'y revoit pas venir pondre, parce que soit elles sont mortes, et il y a un autre facteur aussi, qui est dans le cadre de des changements globaux, au niveau des ressources en mer, qui se seraient déplacées, hein, c'est lié aussi au changement de température en mer, au changement des courants, qui ferait que cette disponibilité alimentaire ne serait plus disponible là où elles allaient chaque année en migration, et donc on s'aperçoit justement qu'elles passent beaucoup plus de temps à se déplacer qu'à se nourrir, ce qui pourrait expliquer qu'on soit passé justement de 7 pontes par saison, par individu, à 4 pontes par saison actuellement. Ça veut dire aussi que l'investissement maternel est moins important. Donc vous voyez qu'un peu que tous ces facteurs cumulés font que bah, ça pourrait expliquer justement le fait que cette espèce soit en déclin, non seulement en Guyane, mais également dans toute la région atlantique. Mmh. Toutes les espèces de tortues sont menacées aujourd'hui, Françoise Claro ? Oui, alors à des degrés divers, et ça va dépendre aussi des sous-populations. Donc leur statut en fait est réévalué régulièrement par les chercheurs en collaboration avec l'Union mondiale pour la nature. Et donc, bon, pour donner un exemple, par exemple, en Méditerranée, la Caouane, qui était beaucoup plus menacée, a vu son statut s'améliorer grâce évidemment aux efforts qui sont faits par les communautés, les associations, les chercheurs. Et mais bon, voilà, c'est toujours quand même dépendant des efforts, hein, d'un maintien des efforts de conservation. Faut jamais oublier qu'un statut, même s'il s'améliore, il peut revenir au rouge, vous voyez. Donc il y a quand même une surveillance à faire régulièrement, en permanence en réalité. Hein. Je voulais ajouter par rapport à ce que disait Damien qu'il y a aussi une menace hein, qui prend un peu de l'ampleur et bon, on en entend quand même souvent parler, c'est la pollution par les déchets. Alors bon, les tortues malheureusement sont des organismes qui sont qui vont facilement ingérer des déchets. Donc soit elles ingèrent des déchets ou soit elles se laissent enchevêtrer par exemple des morceaux de filet ou des morceaux d'emballage, des sacs, que sais-je, qui flottent sur l'eau. Et là, on a malheureusement observé aussi pas mal de mortalité à cause de ces déchets. On va évidemment faire le tour hein, de tous ces périls qui menacent, et on va le voir, qui menacent vraiment parfois de façon critique, même souvent de façon critique, plusieurs espèces de tortues. Le tableau dans l'ensemble, hein, on va pas le cacher, est effectivement relativement noir. Néanmoins, il y a peut-être une once d'espoir que je voulais vous soumettre pour débuter cette émission avec quand même une petite lueur, un suivi par drone en 2019 dont les images ont été dévoilé assez récemment, là au mois de juin, montre 64 000 tortues vertes sur l'île de Reine, à la pointe nord de l'Australie, laissant entendre qu'on a pu sous-estimer le nombre de ces tortues de 50%. C'est beaucoup, ça veut dire que il y a quand même encore un peu de lueur d'espoir. On peut imaginer qu'il y a des populations qui étaient sous-estimées, qu'il y a encore plus de tortues que ce qu'on imagine aujourd'hui, Françoise Claro. Oui, ben c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, ce qu'il faut voir, c'est que jusqu'ici, on n'avait pas les moyens techniques suffisants pour étudier ou surveiller les tortues en mer. On surveille surtout en fait les femelles ou les petits qui sortent du nid sur les plages, mais en mer, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, il est vrai qu'actuellement, avec les moyens techniques et notamment les drones, donc ces images-là, je les ai justement fait circuler sur la liste du groupe Tortue Marine France la semaine dernière. Pour nous, c'est vrai, c'est encourageant, ça fait du bien. Bon, une bonne nouvelle, mais vous allez voir qu'il y en a d'autres, parce que heureusement, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'associations qui se mobilisent pour essayer de préserver, de sauver ces tortues de l'état de quasi-extinction, en tout cas du danger critique qui peut être manifesté. On va essayer de faire leur connaissance, de comprendre d'où elles viennent, ce qu'elles sont, pourquoi est-ce qu'elles sont si fragiles et si sensibles à tout, eh bien à tout ces, toute cette perturbation de leur environnement. C'est le thème de notre émission du jour. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15 sur France Culture, nous parlons donc des tortues tout au long de cette heure. Alors, souvent, quand on dit les tortues, on se rend compte qu'il y a finalement une diversité, comme quand on dit, je ne sais pas, les oiseaux. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Comment est-ce qu'on peut qualifier aujourd'hui, comment est-ce qu'elles se situent dans l'arbre phylogénétique, ces tortues, Damien Chevalier? Bah, je pense qu'il faut remonter assez loin, comme vous l'avez dit au début, hein, donc à plus de 200 millions d'années, où justement les tortues terrestres sont apparues en même temps que les dinosaures, donc quand même dans un contexte très particulier. Ces tortues terrestres, après il y a eu un retour en mer qu'on peut imaginer, hein, c'est une hypothèse qui serait justement pour échapper à ces prédateurs, et on imagine à peu près quels prédateurs. Ou alors aussi exploiter des nouvelles ressources alimentaires. Donc ça, c'est un peu de la même façon qu'ont fait les cétacés qui sont d'anciens mammifères terrestres. Mmh. Après, donc ces tortues qui sont en gros revenues, qui sont tenues en mer, donc on a une évolution qui a fait son chemin. Donc là, on a tenu, en ce qui concerne les tortues marines, donc une des superfamilles qui est les Chelonidae, et qui regroupe 5 genres. Donc là, ces genres actuels, notamment de tortues marines qu'on connaît, qui sont Chelonia, Caretta, Lepidocalis, Erasmochelys et Natator, qui regroupent 6 espèces. Et on a une autre famille que vous connaissez très bien, qui est celle des tortues, qui est les Dermochelidae. Mmh. Donc là, déjà, genre, l'évolution a fait son chemin, donc entre les tortues terrestres et les tortues marines. Mais entre-temps aussi, on a eu des tortues aquatiques. C'est pour ça qu'on a 3 types de tortues, qui sont les tortues terrestres, aquatiques et marines. Donc les tortues aquatiques sont plutôt des tortues qui vont vivre dans les cours d'eau, au long des cours d'eau. Et nos tortues marines, comme j'ai dit avant, plutôt en mer. Et donc ça, c'est, elles ont tous des points communs, hein. Donc elles ont toute une carapace, elles pondent des œufs, c'est des espèces longévives, donc qui vivent aussi très longtemps. Après, ce qui va différencier, je dirais, les tortues, je dirais, aquatiques et terrestres des tortues marines. Donc là, en fait, on a 2 genres, hein, donc, dans, au niveau de ces espèces. Donc là, ce sont les cryptodires et les pleurodires. En fait, les cryptodires sont les tortues qui vont pas pouvoir rétracter justement leur tête ni leurs pattes ou je dirais un peu nageoires au niveau de leur carapace. Ils ne peuvent plus rentrer à l'intérieur, quoi. Ils ne peuvent plus rentrer à l'intérieur. Mmh. Donc ça, c'est comme une protection pour les prédateurs. Donc on rappelle aussi, c'est l'espèce terrestre. Et on a les cryptodires, donc là notamment, qui sont les ancêtres en gros de nos tortues marines, qui elles, enfin non, plutôt les pleurodires, qui elles peuvent rentrer leur tête et leurs pattes. Encore une fois aussi, au niveau des tortues terrestres, donc ces animaux qui ont quand même effectivement une carapace bombée, donc ça c'est justement lié au fait qu'ils se rentraient aussi leurs membres et leurs têtes. Chez les tortues, je dirais aquatiques, donc là aussi elles ont un peu une carapace qui est un peu bombée par rapport aux tortues marines, qui leur permet aussi de rétracter leurs têtes et leurs membres. Les tortues marines, justement, bon, ça tout le monde l'a pu voir, hein, mais je sais qu'il y a beaucoup de choses qui étaient dites sur le fait qu'elles pouvaient aussi rentrer leur tête et leur nageoire, ce qui n'est pas du tout le cas, quoi. Donc ce qui explique aussi que les prédateurs, c'est plus facile pour eux aussi de consommer des tortues marines, puisqu'ils commencent souvent des fois par les membres. Voilà, donc ça, j'ai parlé des points communs et puis aussi ce qui les différencie. Donc là, au niveau des tortues terrestres, on a surtout des espèces qui sont herbivores et frugivores, donc ça aussi, qui différencie par rapport aux tortues marines et aquatiques. Tout ce qui est tortue d'eau douce, bon ça j'ai dit avant, c'est plutôt des tortues qui vont être omnivores ou carnivores, donc des plantes, poissons, aussi amphibiens. Et nos tortues marines, bon là on a différents régimes alimentaires, hein, parmi les sept espèces dont j'ai parlé avant, qui sont plutôt omnivores et herbivores, donc là herbivore plutôt la tortue verte, zooplanctonivores et gélatineux, donc ça c'est la tortue lite qui se nourrit de méduses. Et aussi, on a des tortues comme la tortue imbriquée qui va se nourrir plutôt d'éponge. En termes évolutifs, ce qui est intéressant, Françoise Claro, c'est que donc la tortue est d'abord, originellement, a priori, un animal terrestre qui est retourné à l'eau. C'est pas l'inverse. Oui, c'est ça. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui existe sur pas mal d'organismes, c'est sur ce retour en fait au milieu marin avec des adaptations anatomiques en fait. Donc par exemple la tortue de mer, il est clair que elle a vraiment des palettes, ce qu'on appelle des palettes natatoires, c'est-à-dire des membres en fait qui ont une forme qui leur permet de nager facilement, et donc quand on les voit sous l'eau qu'elles vous aperçoivent, je peux vous dire qu'elles font des pointes de vitesse, donc elles ont donc cet aspect fuselé qui leur permet de nager facilement, de glisser sous l'eau, hein, et puis ces palettes natatoires, donc il y a toute une série comme ça d'adaptations. On peut aussi parler du fait qu'elles peuvent aussi donc plonger pour aller se nourrir sur le fond, donc d'autant mieux qu'elles sont plus âgées. Enfin voilà, il y a différentes choses qui permettent ensuite d'exploiter au mieux en fait le milieu dans lequel elles se trouvent. Est-ce qu'on pourrait dire un mot parce que on voit bien, et puis on va revenir hein, sur les caractéristiques morphologiques notamment de la tortue, la question de cette carapace qui vous allez le voir est une sorte de de choses assez uniques dans le règne animal. Aujourd'hui, on sait comment rattacher la tortue à des ancêtres en termes d'évolution? C'est d'où vient la tortue? Est-ce qu'on a une idée de ses origines préhistoriques, Françoise Claro? J'avoue que c'est pas ma spécialité. Je pense qu'on en découvre régulièrement. On découvre de nouveaux fossiles. Tout à l'heure, vous aviez parlé de tortues qui dataient de plus de 200 millions d'années. Donc ça, c'était il y a une dizaine d'années qu'on a découvert en Pologne, par exemple, Proterocarcis. Mais je pense qu'on n'est pas... On n'a pas fini de découvrir des choses. D'autant que maintenant, on a la génétique biochimique qui nous permet quand même d'étudier donc l'ADN. Et à l'heure qu'il est, en fait... autrefois, on classait en fait les animaux, les organismes par rapport à des critères morphologiques, mais aujourd'hui, en disposant de l'ADN, on peut aller beaucoup plus loin. Et ce qui fait qu'au lieu de regrouper les animaux sur des critères morphologiques, on va davantage s'attacher à voir quels sont les ancêtres communs, hein, et à définir en fait des branches, donc des clades, en fait. Et il se trouve que ce qui a été découvert par les cladistes, c'est que finalement il y avait des ancêtres communs avec les mammifères et l'oiseau. Alors qu'avant, bon, c'est vrai que c'était pas du tout dans cette façon-là de classer les animaux. Damien Chevalier, sur cette origine phylogénétique qui, il me semble, a fait quand même débat plusieurs fois. Il y a eu des candidats, Onotosaurus par exemple, Pareiasaurus, enfin, on a cherché des ancêtres à la tortue, mais en fait, tous les fossiles dont on dispose possèdent déjà une carapace pleine et entière qui existe déjà. On ne trouve pas de... Je ne vais pas dire le chenon manquin parce que c'est évidemment très très mal connoté en termes d'évolution, mais on a du mal à voir d'où proviennent ces traits si caractéristiques. Oui, bah exactement. Oui, ça fait beaucoup de débats. Donc, comme disait Françoise aussi, hein, c'est là qu'on fait appel aussi à un peu à la génétique. Donc là, il y avait un des ancêtres qui avait été trouvé, je dirais, il y a quelques années, qui datait de 80 millions d'années, qui aurait peut-être pu faire ce lien, qui était Stegocaelis acris. Et en fait, en gros, là encore, ça fait encore débat de ce côté-là. Donc, effectivement, on n'a pas ce chaînon manquant entre, je dirais, ces tortues qui sont venues aussi du terrestre, plus en aquatique, après, je dirais, en eau douce, puis après au niveau du marin, sachant aussi qu'il faut beaucoup prendre du recul par rapport aussi, je dirais, lorsqu'on regarde les fossiles qui sont pris dans les sédiments, c'est que ces sédiments aussi, ils peuvent avoir été, lors d'inondations, je dirais, terrestres, peuvent avoir été déplacés aussi en mer. Donc, vous voyez, là aussi, il y a beaucoup de recul à avoir lorsqu'on fait justement ces analyses. Hein. Je pense que les archéologues sont bien passés, mieux placés que moi pour le dire. Donc, c'est là que l'anatomie et la physiologie, je pense, des tortues marines est importante justement pour justement essayer d'améliorer cette classification. Donc, je dirais que là, après, il y a des choses qui sont faites au niveau des génomes par rapport aux tortues, hein, donc au niveau de génétique, pour essayer de voir un peu comment ces 16 espèces, là, je vous parlais des galonniers de lait, comment toutes ces 7 espèces, au bout d'un moment, il y a quelques millions d'années, se sont séparées sur le plan génétique. Mais là encore, c'est un gros travail hein, de la part de pas mal d'instituts qui travaillent pour tout ce qui est en génétique. Et je dirais qu'on est un peu qu'au balbutiement, quoi. Là, j'aimerais qu'on parle un peu justement de cette carapace qui, a priori, n'est apparue qu'une seule fois dans l'évolution, même si elle s'est diversifiée avec les différentes espèces. Avant cela, peut-être juste un mot pour confirmer. Vous me confirmez l'un ou l'autre, Françoise Claro, Damien Chevalier, qu'aujourd'hui, il y a 342 espèces de tortues recensées. Oui, c'est ça, c'est l'ordre guiné de 340 espèces. Après, il peut y avoir des débats sur espèces sous espèces, mais bon, c'est l'ordre d'idée, oui. Et donc, sur ces 340 espèces, il n'y en a que 7 marines et toutes les autres sont terrestres ou aquatiques. Oui, c'est ça. Et pour le milieu aquatique, il y a quand même 260 espèces. Donc, c'est un groupe qui est très diversifié pour l'eau douce. D'accord. Alors, justement, parlons un peu de cette carapace. Qu'est-ce que c'est exactement? Comment est-ce qu'on a une idée de la façon dont elle est apparue? Parce qu'elle est très, très différente des autres formes de carapace que l'on peut trouver, des carapaces de kératine qu'on trouve chez d'autres animaux. Chez la tortue, c'est vraiment complètement structurel entre la surcouche de kératine et puis la sous-couche osseuse qui est constituée par la cage thoracique. Françoise Claro. Oui, là, c'est vraiment le super bouclier, quoi. C'est-à-dire, c'est la fusion, en fait, entre de l'os et de la kératine, c'est-à-dire l'équivalent de nos ongles, en fait. Hein. Et donc, bon, les hasards, je dirais, de la nature et de l'évolution, peut-être, ont fait que cette carapace osseuse s'est constituée progressivement avec à la fois donc les côtes, comme vous disiez au début de l'émission, qui se fusionnent avec des plaques, hein, des vraies plaques osseuses, qui constituent et la dossière et donc le plastron, donc ce qui se trouve en dessous, et qui protège finalement les organes. Et les seules donc parties qui sont pas protégées sont donc les pattes et le crâne. Et donc voilà, c'est vraiment une protection très appréciable. Bon après, ça marche pas forcément toujours pour les prédateurs, pour se protéger des prédateurs, hein, comme disait Damien, puisque bon, d'abord il y a les pattes qui se trouvent donc moins protégées, et puis même quand elles sont jeunes, en fait, on voit bien d'ailleurs des individus avec une où il manque un morceau de carapace, donc c'est probablement lorsqu'elles étaient plus petites, elles ont été certainement mordues par leurs grands ennemis, les requins, et donc elles réussissent quand même à cicatriser, parce que c'est des animaux qui ont des capacités incroyables de cicatrisation, même après une fracture, lorsqu'elles, malheureusement, elles sont labourées par une hélice de bateau, on arrive quand même à les récupérer en forme de soins pendant des mois, il faut des mois, c'est vrai, mais on arrive quand même à les récupérer. Donc bon, il faut quand même voir aussi que malgré tout, cette carapace, avec de l'os, c'est quand même assez lourd. Donc, il faut quand même trouver aussi un moyen terme. La nature a quand même trouvé un moyen terme entre donc ce poids et puis la façon de disposer les plaques de façon à ce que ce soit qu'il y a quand même un moyen terme entre le poids et la protection. Oui, parce qu'on arrive à certaines espèces, certaines sous-espèces qui sont particulièrement volumineuses. On en reparlera peut-être tout à l'heure, mais même pour des tortues, même pour les, je pense aux tortues luttes par exemple, Damien Chevalier, il faut la porter la carapace tout de même, enfin pour ne pas couler à pic. Bah exactement. Hein. Donc là, c'est des tortues qui font en moyenne 400 kilos. Hein. Donc on parle surtout pour les femelles qui viennent pondre à terre. On a les mâles qui ont été pesés par en gros au Canada à plus d'une tonne. Donc effectivement, ces animaux quand ils reviennent à terre, donc surtout la tortue lutte et la tortue verte qui sont quand même des animaux qui sont quand même assez avec une masse assez importante, ont vraiment du mal à se déplacer à terre. Hein, donc ce qui demande beaucoup d'énergie. Après, cette carapace, si je prends pour les autres espèces, hein, je pense que c'est lié aussi à l'évolution. C'est une carapace qui est quand même très épaisse. Et je pense que c'est peut-être aussi pour la résistance au froid. Donc même si on a des tortues, la plupart des tortues à écailles, hein, dont les 6 espèces, sont quand même dans des eaux, même si c'est souvent tropical. Pour certaines espèces, qui traversent des eaux qui sont plus froides. Et donc là, ça permet aussi de se protéger aussi du froid. Pour ce qui est de la tortue lutte, bah là, elle n'a pas évidemment de carapace. Hein, donc c'est du cuir, hein, c'est d'où son nom hein, en anglais, les airbags. C'est du cuir avec la plaque osseuse directement sous ce cuir. Donc là, pour résister au froid, bah, y a d'autres solutions, justement. Hein. C'est avoir aussi un rythme métabolique qui est très inférieur à d'autres espèces. Une isolation qui est faite par son corps, qui est quand même un corps massif hein, et aussi gras. Parce que ce qui permet aussi d'aller dans des eaux qui sont notamment dans les côtes du Labrador, des fois des eaux à 7 ou 8 degrés, contrairement aux autres espèces qui ne pourraient pas le faire. Vous voyez, ça aussi, c'est une évolution qui s'est faite, qui est différenciée, je dirais, la tortue lutte de ces 6 autres espèces, qui permet aussi de voyager dans pas mal d'océans, être présent sous pas mal de latitudes, notamment. Un mot sur cette carapace si particulière, Françoise Claro, comment est-ce qu'elle évolue, comment est-ce qu'elle grandit des tout petits bébés tortues jusqu'à bien ces grandes tortues, qu'elles soient des tortues ou d'autres tortues d'ailleurs même terrestres, hein. On peut penser à la tortue géante des Galapagos. Comment est-ce qu'elle grandit, comment est-ce qu'elle finit par prendre sa taille définitive? Ben, il y a pas vraiment de taille définitive en fait, parce que les tortues finalement elles grandissent, alors pas au même rythme c'est vrai, mais elles vont grandir toute leur vie. Et d'ailleurs, une des façons de connaître l'âge des tortues, c'est uniquement évidemment quand elles sont mortes, c'est de faire des coupes histologiques en fait des os longs. Et là, on voit des stries de croissance. Donc évidemment, c'est un peu comme un arbre. Les stries de croissance sont évidemment plus nettes s'il y a une vitesse de croissance qui est différente entre les saisons, vous voyez. Et donc finalement ça grandit par stries successives. Et pour ce qui est des écailles cornées, alors là ça se desquame, donc c'est aussi des stries concentriques qui grandissent, mais il y a une desquamation en fait de la kératine. Et voilà, donc la croissance est quand même permanente. C'est un des aspects d'ailleurs de la physiologie qui est très important pour les tortues et qui pose parfois des problèmes aussi aux chercheurs, parce que bon, comme je vous le disais, on n'a pas en fait idée, on a besoin de savoir l'âge des tortues, ne serait-ce que pour étudier la survie des populations. Et on n'a pas tellement de moyens sur du vivant, quoi. Donc du coup, des chercheurs ont donc mis à profit en fait les ossements qu'on trouve lors des échouages, par exemple, ou de la mortalité d'individus par capture accidentelle. Et donc, on essaie de mettre en relation, en fait, la taille, de trouver un coefficient entre la taille. Donc, la taille, chez une tortue, on la mesure, en fait, à la longueur ou à la largeur de la carapace, la dossière même. Et donc, en étudiant, donc, à la fois les os, les stries concentriques et la longueur de la carapace, la dossière, on essaye de trouver un coefficient. Mais ce qu'on s'est rendu compte, en fait, que ce coefficient n'était pas forcément le même pour une même espèce selon les populations. Donc, vous voyez, ça complique encore un peu plus nos affaires, mais bon, voilà, il y a différentes équipes qui travaillent là-dessus, et c'est vrai que, par exemple, nous, en métropole, au niveau de la Méditerranée, c'est quelque chose que on aimerait pouvoir développer, c'est ce qu'on appelle la squelettochronologie, pour en savoir davantage sur notamment la tortue kawan, puisque en Méditerranée française, en fait, on est susceptible d'avoir des kawanes de 3 sous-populations différentes qui fréquentent nos eaux territoriales. Et on va continuer à discuter de quelques caractéristiques hein, des tortues, la question de la ponte, la longévité, le métabolisme assez fascinant des tortues. On posera également la question de leur organisation et puis surtout de leur préservation compte tenu bien des importantes menaces, on l'aura compris, qui pèsent sur un certain nombre des espèces de tortues. Une tortue vient d'être pêchée au large du Morbihan. Et les pêcheurs de ce petit port du Morbihan, si chers à mon cœur, n'en croyaient pas leurs yeux lorsque, remontant les filets du petit bateau l'insulaire, ils découvrirent une monstrueuse tortue de 2,50 m de long et pesant 800 kg. Il leur fallut 3 heures avant de réussir à la hisser dans leur bateau. Turtles have short legs de Ken sur France Culture à 16h35, puisque nous parlons des tortues tout au long de cette heure. Nous en parlons avec Françoise Claro, qui est chercheuse au Muséum National d'Histoire Naturelle au sein de l'unité Patrinat, et coordinatrice du groupe Tortue Marine France, et Damien Chevalier qui est en ligne avec nous depuis la Guyane, qui est chercheur CNRS à l'Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien. Alors, on a parlé évidemment de la carapace, de cette carapace unique dans le règne du vivant. Il y a une autre caractéristique des tortues, qui est ce métabolisme très lent, cette croissance permanente, et puis évidemment la longévité, Françoise Claro. Oui, alors bon, la longévité, pour l'instant, on a que des hypothèses, hein. On pense en effet que ce sont des animaux qui peuvent vivre jusqu'à 100-150 ans. Au niveau du métabolisme, ce qui est important, je pense, de dire, c'est qu'en fait, les tortues marines, leur température, en fait, dépend de la température de l'environnement. Ce qui fait que ça a beaucoup d'implications au niveau de leur façon de vivre. Et donc, si la température correspond à leur préférendum thermique, elles vont être donc capables d'être très actives. Elles vont réguler la température, par exemple, en prenant des bains de soleil à la surface de l'eau ou en se mettant sur un support. Et par contre, si la température est froide, ça veut dire que là, elles vont être un petit peu en léthargie, vous voyez. Donc c'est là aussi, elles peuvent être vulnérables. Par exemple, si on a, c'est notre cas par exemple en Méditerranée française, si on a une tortue qui est léthargique l'hiver, où l'eau est à moins de 14 degrés, elle va respirer, c'est des animaux à respiration aérienne, hein, comme nous, donc elle vient respirer moins souvent à la surface. Alors, on pourrait croire que c'est tant mieux parce qu'elle rencontre moins de bateaux, mais en fait, lorsqu'elles sont sur le fond, qu'elles se reposent sur le fond, eh bien, si jamais il y a un chalut qui passe par là, eh bien, du coup, elles vont pas s'échapper, elles vont pas l'entendre ou réagir suffisamment rapidement, et elles vont se faire capturer. Donc, vous voyez, bon, cette physiologie a des avantages aussi, hein, puisque bon, ça leur permet de passer l'hiver aussi de réguler leur métabolisme, ça leur permet aussi de éventuellement de plonger plus profondément ou de passer la mauvaise saison, mais ça peut aussi avoir des implications par rapport aux menaces d'origine humaine qui pèsent sur elles. On a peut-être aussi oublié de dire quelque chose depuis le début de tout simple, c'est qu'effectivement les tortues sont des reptiles et que ils sont ectothermes, c'est-à-dire que ce sont des animaux à sang froid. Ben voilà, on dit pas vraiment ça, on dit plus trop reptiles, parce que justement les cladistes ne sont plus trop d'accord pour utiliser ce terme. Donc, mais bon, c'est peu, je dirais, peu importe. Après, ce qui est important, c'est effectivement de comprendre comment elles vivent. Et on ne dit pas vraiment non plus à sang froid. On dit que leur température, en fait, dépend de la température de l'environnement. Donc, on parle plus d'ectothermie. Oui, d'ectothermie, c'est ça. C'est-à-dire que par rapport à nous, nous, on est au mésotherme. Donc, on va vraiment réguler de façon interne avec différents mécanismes notre température. Dans lesquelles, vraiment, elles dépendent de la température de l'environnement. Donc, en fait, leur façon de réguler la température, c'est très comportemental. C'est-à-dire qu'elles vont adopter des postures, elles vont adopter des comportements pour pouvoir glaner finalement l'énergie qui leur manque à un moment donné. Donc pour elles, intérieurement, elles savent très bien, bon ben là, il faut que j'aille prendre un bain de soleil, il faut que j'aille capturer de l'énergie. Voilà, donc elles ont un comportement qu'elles adaptent, en fait. Donc c'est vraiment externe. C'est totalement différent de l'homme. Damien Chevalier, peut-être un mot sur ce métabolisme que l'on qualifie d'assez lent dans l'ensemble. Oui, donc ça, c'est comme disait Françoise. Donc là, si on prend l'exemple, on a pris l'exemple des tortues générales. Mais ce que je disais aussi par rapport à l'exemple parfait des tortues luttes, qui sont des ectothermes, mais on les considère aussi comme des gigantothermes. Donc en fait, ce serait des ectothermes un peu homéothermes qui seraient capables de, en gros, de stabiliser un peu cette température. Et la tortue, justement, ça a été montré qu'elle pouvait avoir des températures corporelles de 18 degrés supérieures à la température ambiante. Donc là, effectivement, c'est pas un endotherme comme nous, n'empêche qu'elle a quand même un mécanisme qui lui permet de résister justement à ces températures froides. Donc d'une espèce à l'autre, on voit qu'il y a quand même des adaptations qui se sont faites au fur et à mesure des milliers ou millions d'années. On a d'autres tortues à carapace, et là c'est important de le dire aussi, on parle pas juste souvent, mais comme la kawane aussi ou la tortue de Ken, qui sont capables aussi d'aller dans des eaux froides. Là je pense qu'on ne sait toujours pas en gros comment ces tortues aussi arrivent à réguler cette température. Donc là, je dirais qu'il y a encore beaucoup de travail à faire sur ce sujet, et ce qui explique aussi pourquoi on a souvent des tortues, je dirais, là côté Atlantique, notamment en hiver, qui sont en hypothermie, notamment des tortues juvéniles, des petites tortues qui ont en gros réussi justement soit à rejoindre les sites d'alimentation ou peut-être des températures un peu plus chaudes et qui se retrouvent échouées, soit mortes, soit vivantes, et puis qui sont récupérées notamment par les centres de soins à l'aquarium de La Rochelle. Donc ça, il y a quand même cette année, il y a eu beaucoup d'échouages, ça c'est important d'en parler, et souvent des animaux qui étaient vraiment en hypothermie. Autre chose que j'aimerais évoquer avec vous, c'est cette question qui est aussi vraiment une des grandes caractéristiques des tortues, celle de l'orientation et du retour au site de ponte aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut en dire, qu'est-ce qu'on en sait exactement, Françoise Claro, est-ce qu'on a des pistes pour comprendre les raisons pour lesquelles bien les tortues reviennent pondre là où elles sont nées? Oh là, c'est certainement Damien qui pourrait en dire davantage, mais on a toujours beaucoup d'hypothèses, en fait. La tortue marine, c'est vraiment un être mystérieux. Mais on sait qu'elles ont des capacités à retrouver leur chemin, qu'il y a une sorte d'imprégnation. On avait pensé qu'il y avait une imprégnation, par exemple, par l'odeur dans le sable. Vous voyez, par exemple, fut un temps en Guyane, pour protéger en fait les petites tortues à la naissance de la kyrielle, mais vraiment la kyrielle de prédateurs qu'il y a au bord de l'eau, donc c'est-à-dire vous aviez comme ça plein d'oiseaux, plein de poissons déjà la bouche ouverte qui attendaient plus que les petites tortues passent. Finalement on s'était dit à l'époque on va emmener les tortues au large. Or par la suite des recherches ont fait état qu'en fait il était possible qu'il y ait une imprégnation par l'odeur de la plage, et du coup non seulement c'est une hypothèse qu'elle retrouve en fait la région, c'est pas vraiment tant la plage, et a priori il y a une fidélité plutôt à la région. Et heureusement en fond, parce que si jamais une plage disparaît, comme c'est par exemple ça peut être le cas en Guyane avec tous les remaniements qu'il peut y avoir du fait des fleuves qui génèrent un courant énorme et donc qui génère aussi de l'érosion. Donc elles peuvent comme ça se permettre quand même d'aller sur une plage voisine. Vous voyez, elles ne sont pas quand même inféodées strictement à leur plage. Donc il y a encore des choses qui ne sont pas vraiment complètement claires. Mais bon, on sait qu'elles utilisent un système a priori magnétique, puisqu'on a trouvé de la magnétique dans les cellules. Et puis probablement une imprégnation chimique. Damien Chevalier à ce propos. Oui, donc là, c'est un, là, je vais rejoindre ce que dit aussi Françoise. Donc là, effectivement, les tortues marines ont de la magnétite hein, dans la boîte crânienne. Donc c'est un peu comme les oiseaux, donc ce qui leur permettrait justement de s'orienter. Il y a une étude qui était très intéressante, qui a été réalisée sur les tortues cavanes aux États-Unis. En gros, pour des tortues sur le plan génétique, on savait qu'elles étaient nées sur telle plage et qu'on avait revu après venir pondre plusieurs années plus tard. Et il se trouve que ces tortues s'était retrouvé plusieurs centaines de kilomètres au nord de cette plage d'origine. Et on s'est intéressé aussi, en gros, à cette dérive du champ magnétique. Et il se trouve justement que sur cette ancienne plage, il y a eu une dérive du champ magnétique de quelques centaines de kilomètres, ce qui aurait pu expliquer justement et qui prouve aussi que ces tortues, justement, il y a cette imprégnation, je dirais, à la naissance, hein, je dirais, de cette localisation du site de ponte, et qui pourrait justement, après, s'il y a des dérives du champ magnétique, ce qui expliquerait aussi pourquoi on a peut-être des tortues qui explorent aussi de nouveaux sites. Donc ça, on l'a testé aussi, on a voulu voir aussi en Guyane si ça fonctionnait, cette dérive du champ magnétique. Donc ça, on a travaillé avec l'Observatoire des sciences de la Terre à Strasbourg. Et donc, on a trouvé une dérive du champ magnétique qui est très faible, ce qui expliquerait aussi que nos tortues, justement, elles sont quand même très, très fidèles. Mais ça, c'est quelque chose qu'on va creuser peut-être à l'échelle, je dirais, mondiale, pour voir si le fait qu'on retrouve des nouveaux sites qui n'étaient pas avant utilisés par les tortues est dû soit, justement, effectivement, comme disait Françoise, des nouveaux sites de pompe, des nouvelles plages qui sont arrivées, ou alors le fait qu'il y ait une dérive du champ magnétique. Donc ça, c'est aussi intéressant. On est en pleine exploration sur ce sujet, mais il faut vraiment s'y intéresser, ce qui expliquerait aussi des fois des problèmes d'échouage, comme c'est le cas pour les cétacés, car on parle souvent du champ magnétique, je dirais, polaire, mais il y a aussi le champ magnétique solaire qui a un impact aussi. Donc ça, je l'ai appris, hein, il n'y a pas si longtemps que ça, grâce à l'Observatoire des sciences de la Terre. Donc c'est autant de choses sur lesquelles on est en train de travailler, mais là, on a vraiment besoin de travailler avec des grands spécialistes, parce que nous, c'est quand même pas notre domaine. Mais oui, on a encore plein de choses à explorer de ce côté-là. J'aimerais qu'on parle avec vous maintenant, dans le dernier quart d'heure de cette émission, un peu de l'écologie de la tortue au sens large du terme, mais notamment de la préservation des espèces les plus menacées. Peut-être un mot, Damien Chevalier, ce qui est intéressant, tout de même sur le rôle écosystémique très important des tortues, et notamment des tortues marines. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Ah ben là, je pense que c'est quelque chose de très important, même dans le discours, je dirais, avec les acteurs de la mer, que ce soit les pêcheurs ou d'autres, sur, on nous demande toujours, mais ça sert à quoi de protéger les tortues? Donc, je vous dirais, il y a quelques années, c'est très compliqué de le dire. Maintenant, je vais vous prendre un exemple sur trois espèces qui sont importantes, que j'utilise régulièrement. C'est qu'effectivement, elles ont un rôle à jouer sur les écosystèmes. Je prends l'exemple de la tortue lutte, qui va avoir un rôle de régulation des méduses. Ça a été montré lorsqu'on avait une population de méduses, que c'est toute la chaîne alimentaire qui se cassait la figure, et donc ça a un impact aussi pour les pêcheurs, mais aussi pour tout l'écosystème. Je prends l'exemple de la tortue verte qui va avoir le fait d'avoir une pression d'herbivorie, donc là on travaille dessus, hein, donc actuellement en Martinique, sur l'augmentation de la productivité justement de ces sites et augmentation de la diversité spécifique. Vous voyez ça aussi, le fait qu'une espèce broute sur un site, ça a été montré chez les herbivores terrestres, là on le montre aussi chez les tortues vertes. Dernier exemple, hein, donc là la tortue imbriquée, ça a été montré justement que le fait que ça s'alimente d'éponges favorise le développement des coraux, donc justement lorsqu'elle prélève justement ces éponges. Donc vous voyez, il y a un rôle, une stabilisation de cet écosystème, justement un équilibre qui se fait grâce justement à ces tortues. Mais donc on pourrait parler de plein d'autres espèces évidemment. Donc là je vous parle que de ce que je connais. Donc voilà, c'est ce rôle écosystémique, il existe bien. On arrive à le montrer maintenant. Une tortue lutte, elle est capable de consommer son poids journalier en méduse, donc là c'est quand même des très grosses méduses hein, qui peuvent peser 20 à 50 kilos. Donc vous voyez quand même l'intérêt aussi de le rôle joué par ces espèces, je dirais, à des échelles très importantes, parce que je prends l'exemple de la tortue lutte, c'est des milliers de kilomètres qui sont parcourus sur 2 à 3 ans avant de revenir pondre. Donc là on a quand même des tracés importants, et donc là vous imaginez une tortue qui consomme 400 kilos de méduses par jour. Si vous multipliez par plusieurs milliers, vous voyez qu'elle a un rôle vraiment à jouer dans cet équilibre. Françoise Claroux, à ce propos. Oui, ouais, je suis toujours un petit peu dubitatif sur le fait qu'on puisse douter du rôle écosystémique. Mais personne n'en doute, on veut l'éclairer, c'est tout. Ah oui, mais non, mais je parlais plus par rapport à la réaction que de certains acteurs dont parlait Damien tout à l'heure. Donc non, j'ai rien de plus à ajouter. Je pense qu'on là encore, avec les recherches, on découvrira régulièrement. En quoi donc le rôle des tortues marines est vraiment important dans les écosystèmes. On l'a dit, hein, aujourd'hui, les tortues sont attaquées un peu sur tous les fronts. Françoise Claro, vous-même, quand vous faites des relevés, vous rencontrez souvent des tortues mutilées. Vous l'avez évoqué tout à l'heure par les pales des bateaux, mais justement, puisqu'on vient de parler de la consommation de méduses, et on a tous vu ces photos épouvantables de tortues empêtrées dans des filets de pêche, déformées par des filets de pêche ou par des sacs plastiques. Enfin, elles sont très très sensibles en fait sur tous les fronts et notamment à la pollution. Oui, vraiment. Ce ne sont pas les seules espèces à être sensibles, évidemment, hein, puisqu'il y a quand même des publications qui indiquent maintenant qu'il y a plus de 900 espèces, hein, qui sont impactées par les déchets. Donc oui, c'est quand même énorme. Mais il se trouve que quand on étudie par exemple ce que les tortues ont ingéré, on a jusqu'à 100% de tortues qui ont ingéré des déchets plastiques. Donc c'est pas forcément des grandes quantités, mais quand c'est des grandes quantités, là c'est la mort assurée, parce que si vous avez un énorme sac plastique, il en faut quand même pour une tortue lutte, mais ça arrive régulièrement à La Rochelle, et ben ça bloque complètement le transit digestif, hein, et la tortue, donc elle peut pas se remettre de ça. Autant elles ont quand même une capacité à excréter donc pas mal de déchets, autant il y a des fois ça bloque complètement, et là c'est la mort assurée. Puis effectivement, vous parliez de l'emmêlement, l'enchevêtrement, ça, je dirais, c'est encore pire, parce que c'est peut-être pas une mort brutale, là, ça peut être une mort qui va se produire longtemps après avoir été enchevêtrée. Donc, une tortue qui est en croissance, effectivement, on a ces images horribles, une tortue qui est en croissance et qui va être, à l'intérieur d'une espèce d'anneau en plastique qui ne permet pas la croissance, elle va être déformée jusqu'au moment où, effectivement, elle va en mourir, parce que, les organes ne vont plus pouvoir fonctionner, quoi. Donc, oui, c'est vraiment une menace dont on connaît l'ampleur de plus en plus. Et il y a des projets qui s'intéressent, des projets européens notamment, mais aussi des programmes dans l'océan Indien, par exemple, qui étudient vraiment l'impact des déchets sur les tortues, donc soit par ingestion. Donc, on peut donc étudier cela en collectant, en fait, dans les bassins des centres de soins, ce qu'excrètent les tortues. Et sur les tortues, donc là, échouées ou mortes en centre de soins, et où là, à l'autopsie, on examine vraiment très, très méticuleusement depuis l'œsophage jusqu'au cloaque ce qu'il y a dans le tube digestif. Et on dénombre, c'est vraiment tout un travail. Un travail, d'ailleurs, qui est maintenant préconisé par différentes politiques environnementales, au niveau européen notamment. Donc ça, c'est un travail justement que je suis de près, puisque je suis référent pour le ministère de l'Environnement pour cette question-là. Donc c'est la directive stratégie pour le milieu marin. Mais vous avez aussi des conventions de protection des mers régionales, comme par exemple la convention de Barcelone ou la convention de OSPAR, qui donc on considère que les tortues sont des espèces intéressantes pour suivre en fait la pollution en mer. Donc il ne va pas suffire en fait de compter par exemple les déchets sur le fond des mers ou sur les plages, mais on va aussi étudier et suivre, surveiller en fait les tortues, ce qu'elles ont ingéré et combien de tortues ont été aussi impactées, sont mortes par enchevêtrement par exemple, ou ont été lésées, quoi, perdu des pattes ou autre. Enfin. Donc vous voyez, ça a été quand même repris comme finalement un témoin en fait des menaces que l'homme fait peser sur les espèces marines. Aujourd'hui, pour ne parler que des tortues marines, puisqu'on l'évoquait tout à l'heure, sur les 7 espèces recensées, les 7 sont en danger, dont 6 en danger critique. Ça veut dire quoi, danger critique, Damien Chevalier? Danger critique, c'est donc notamment il y a des critiques d'extinction ou menacées d'extinction. Donc ça, c'est effectivement des tortues qui sont menacées de disparaître. Donc ça, c'est le cas de la tortue verte, la tortue imbriquée et aussi de Kemp. On a aussi une autre espèce qui est la tortue Adopla, qui est en Australie, donc qui est certainement peut-être aussi en train de disparaître, mais on manque de données. Donc vous voyez aussi le fait de ne pas avoir de données fait qu'on a du mal à donner un statut à une espèce. Après, moi, justement, par rapport à toutes ces menaces, si je peux me permettre de rebondir bien sur sûr. Un point quand même qui est très positif, parce qu'on a parlé de beaucoup de menaces, et notamment de la pêche. Donc, on sait très bien que des tortues, beaucoup de tortues sont prises dans les filets. Mais moi, je voudrais aussi saluer le fait que maintenant, on a aussi les acteurs de la pêche. Notamment, nous, on a un gros projet en Guyane avec le Comité régional des pêches de Guyane et le WWF. Qui justement le but est de trouver des solutions, donc d'avoir des techniques de pêche qui soient moins impactantes pour prendre les filets. Donc là, c'est vraiment une initiative aussi du secteur de la pêche de prendre moins de tortues. Donc tout le monde aussi travaille de ce côté-là, la main dans la main. Et ça, je pense qu'il faut aussi le saluer. On a parlé beaucoup d'associations qui étaient impliquées, les acteurs de la pêche aussi. C'est quoi ces techniques justement, Damien Chevalier? Alors, c'est des techniques qui sont au niveau des filets, soit aussi en fonction de la longueur des filets, longueur des mailles. Ça peut être aussi les flotteurs que vous avez aussi sur les filets, donc qui peuvent être de différentes. Là, ça sera des fast-tests dont je vous parle, qui vont devoir si ça peut être des répulsifs ou non pour que les tortues puissent se voir, en gros, visuellement se rendre compte qu'il y a un filet, donc faire demi-tour. Aussi avoir en gros, on sait aussi que les tortues peuvent aussi se nourrir de ces flotteurs de filets, donc se prendre après dans les filets. Donc là, on va faire plein de tests, aussi des répulsifs sonores, comme on le fait aussi pour les dauphins, et essayer de tester aussi chez les tortues. Donc là, on a un projet en Guyane, on a aussi un projet en Martinique et en Guadeloupe qui est aussi en collaboration avec les pêcheurs. Et c'est autant de projets qui nous permettent d'avancer vraiment, parce que sans les pêcheurs, on ne peut rien faire aussi sur ces projets. Ils sont vraiment partie prenante dans ce projet et je tiens à le saluer aussi. Quoi. On voit qu'il y a aussi... François Scarrou, allez-y, oui. Oui, je rebondis aussi là-dessus parce qu'en fait, les professionnels de la pêche, en fait, ils travaillent vraiment main dans la main avec les centres de soins, que ce soit en métropole ou dans tous les océans. C'est-à-dire que sans eux, en fait, on perdrait énormément de tortues. Donc, ils donnent l'alerte, ils ramènent les tortues au centre de soins, ils apprennent en fait les gestes qui permettent aussi sur le bateau même de réanimer la tortue, parce qu'en fait, les tortues ont parfois l'air d'être mortes. Alors, en fait, elles sont simplement dans une espèce d'état comateux. Donc, si on n'a pas les bons gestes, si on ne fait pas en sorte que, par exemple, qu'elles dégagent l'eau qu'elles ont dans les poumons et de les mettre à l'ombre ou des choses comme ça, eh bien, la tortue, elle va mourir. Et donc, parfois, certains pêcheurs qui n'auront pas été formés pourraient penser qu'ils peuvent remettre les tortues à l'eau parce que, de toute façon, c'est trop tard. Mais, vous voyez, ils se forment. Et de plus en plus, on a vraiment cet engagement des pêcheurs dans la conservation des tortues marines. On voit aussi beaucoup d'initiatives un peu partout à travers le monde, d'initiatives locales pour permettre des pontes, pour assurer les pontes, en fait, pour retirer les œufs qui viennent d'être pondus pour les mettre dans des tortuariums, c'est-à-dire quelques mètres plus loin dans le sable, et ensuite les laisser éclore, surveiller vraiment tout le cycle de ponte et les protéger. Ça, c'est aussi des initiatives qui se développent de plus en plus, François Scarrou. Je dirais pas que ça se développe de plus en plus. Je pense que c'est au cas par cas, en fait. Il y a des endroits où, effectivement, c'est peut-être plus intéressant de faire comme ça. On essaie quand au maximum de pas trop intervenir maintenant. C'est pareil, fut un temps en Guyane, on se disait, bon, on déplace les œufs. Et il est vrai qu'il y a des endroits, par exemple, à côté des mangroves, si les œufs peuvent être inondés, donc on essaye quand même, donc après ça pourrit. Bon, on essayait de maximiser, en fait, le nombre de petits qui allaient pouvoir éclore. Mais, parfois aussi, si on devait intervenir, mettons, sur tous les nids, nous-mêmes, quand on manipule les œufs, on peut faire pire que mieux. Si on fait pas les choses correctement, on peut introduire les gélères. On peut aussi faire en sorte que l'embryon tombe si on positionne pas les œufs correctement. Donc, c'est au cas par cas, là, vraiment, où il y a des menaces identifiées. Alors oui, on va déplacer les nids et les mettre sous protection avec différents dispositifs. Ça peut être des cages grillagées ou simplement... Mais parfois, vous savez, il vaut mieux ne pas trop montrer où sont le nid, parce que là où il y a du braconnage, en fait, c'est trop facile pour les braconniers de trouver où sont les œufs finalement. Donc, oui, il faut vraiment, réfléchir à chaque fois à la meilleure solution. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux. Peut-être un mot extrêmement rapide, François Scarrou, en termes de science participative pour les auditrices et les auditeurs, si on veut filer un coup de main pour la préservation des tortues, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a un endroit ou un site où on peut trouver des informations? Oui, alors donc, effectivement, tous les navigateurs sont les bienvenus pour collecter des observations, même des photos. Donc, il existe des applications. On peut aller sur le site du groupe Tortue Marine France. On peut aussi aller, par exemple, en Méditerranée. Vous avez Si Belle Planète, mais il existe plusieurs comme ça, plusieurs systèmes de collecte d'informations. On va vous mettre des liens sur le fil Twitter de l'émission. Merci encore beaucoup à tous les deux. Merci Françoise Claro, merci Damien Chevalier. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique. C'était Ludovic Auger aujourd'hui, La Technique. En un mot, pour cette toute dernière semaine de la saison, on a mis des petits plats dans les grands. Demain, on va vous parler du problème à trois corps ou cet impossible casse-tête céleste. Mercredi, on va revenir sur les problèmes que rencontre la presse de vulgarisation scientifique en France, suite notamment à la future fusion du magazine La Recherche avec Science et Avenir. Jeudi, entretien d'une heure avec l'autrice de SF, Ada Palmer, qui sort son deuxième tome de la trilogie Terra Ignota au Bélial. Et puis on se quitte pas sans votre rendez-vous annuel de fin de saison de la SF plein la valise. Ce sera vendredi avec de nombreuses voix familières de cette quatrième saison de La Méthode Scientifique, jusqu'à preuve du contraire.